saison de la chasse. Pomp, raté. Y a un dieu pour les animaux. Pomp, raté. C'est aussi le dieu des marchands cartouches. Ça serait odieux, ça paraît douche. Tirer la chasse.